Hello. Alors, ici El Catou, je suis toujours avec Nelson et Nio. Bonjour, Donc, aujourd'hui, deuxième émission de cette année 2021. Et encore moins l'espoir de revoir les salles ouvertes, puisque on a un petit coup. en mars ou en avril à ce stade, hein. On marche sur reculons, hein, avec le couvre-feu à 18h quand Oh même. là là. C'est bien, c'est que du coup, à chaque émission, on fait, tu sais, comme un décompte, tu sais, comme quand t'es en taule et que tu fais les petits bâtons, tu sais. Comme C'est ça, c'est c'est ça. On compte les jours. c'est ça. Donc, alors aujourd'hui, on a quatre films à vous parler. Donc, on va commencer par Demolition Man avec Neo, Demolition Man de Marco Brambilla. Ensuite, ce sera moi avec Let Them All Talk. Je dis pas tout de suite de qui c'est, en fait, je le dirai après avoir présenté, parce que c'est après avoir parlé du film, parce que c'est un peu surprenant comme réa, enfin, je trouve, pour ce genre de film. Ensuite, donc regardez pas pendant que j'en parle, en fait, comme ça c'est. Ensuite, on a Agents très spéciaux de Guy Ritchie avec Nelson, et on finira par Evil Speak. Ou en français Messe Noire de Eric Weston avec moi. Donc, écoute, on va commencer par un film culte avec Neo, donc pour Demolition Man. Oui. Alors, Demolition Man, est-il besoin de rappeler l'histoire de ce film culte que je suppose beaucoup de gens connaissent? On va quand même y revenir dessus. Ah, ce que j'allais te dire. On va quand même revenir dessus. Donc, c'est un film de 93 de Marco Brambilla. Marco Brambilla, c'est pas forcément un inconnu, mais il y est retourné par la suite, quoi, parce que Demolition Man, c'est son premier long métrage. Et c'est quelqu'un qui, par la suite, n'a jamais caché qu'il préférait faire des courts-métrages, des trucs expérimentaux et avant-gardistes. D'ailleurs, il a participé à Destructed, une compilation de plusieurs courts qui tournaient autour du sexe et de la censure, aux côtés de Gab, notamment un certain Gaspard Noé et d'autres réalisateurs. Ah oui, d'accord. Bah oui. Donc, Demolition Man, c'est un peu son unique long-métrage explosif, gros succès, etc. Et voilà. Ça fait le mot et Ouais, donc beaucoup de gens. ils ont quand même fait écrouler un bâtiment dans le film, hein. Et c'est un vrai Ouais. bâtiment en fait. Ça se voit. Mais dès le début, dès la scène d'introduction, quoi, justement. C'est ça. Justement, d'ailleurs, tu me parles d'exploser les bâtiments. C'est un film produit par Joel Silver, alias le copain Badaboum de notre cher Michael Bay, parce que les deux se valent un peu, on va dire un peu. Et d'ailleurs, ça me permet d'aborder l'aspect un peu méta de Demolition Man. Vu que c'est Joel Silver qui produit, il n'est pas étonnant de retrouver une affiche de l'arme fatale dans le bureau de Sandra Bullock, dans le film, vu que c'est aussi Joel Silver qui produit. Ah, Et en d'accord. fait, tout le film, il y a plein un petit côté méta qui est assez délicieux. Tout le film est rempli de ça. J'en livre deux, trois, d'ailleurs, pour vous amuserez à les retrouver. Mais par exemple, à un moment, notre cher Stallone apprend qu'un certain Schwarzenegger est devenu président des États-Unis. Alors, Stallone, il proteste en disant, enfin, Stallone, John Spartan, qui est un flic qui a été réveillé de cryogénie pour arrêter Simon Phoenix, joué par Wesley Snipes. Notre John Spartan proteste en disant, mais c'est pas possible, il n'est pas né en Amérique, tout ça, il a été naturalisé, mais c'est un Autrichien. Et on lui dit qu'en fait, Sandra Bullock lui dit qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée, etc., qui permet aux gens de devenir président n'importe quel pays. Ah Donc, ouais. on a connu un Schwarzenegger président. À un moment, Stallone lui dit une réplique du genre « Tiens, prends-toi ça, Rambo » à Wesley Snipes. On voit tous les clins d'œil, tout ça. Et je serais pas étonnant, d'ailleurs, je serais pas étonnant parce qu'il y a eu Last Action Hero peu de temps après. Last Action Hero, donc, de notre cher ami... C'est la même année, wow, c'est 93 aussi. J'ai l'impression que les deux films se renvoient la balle. Dans le film de John McTiernan, Last Action Hero, on voit une affiche dans un magasin, on voit Terminator, mais joué par Stallone. Ah oui. Oui. Donc, on a l'impression que les deux films se renvoient la balle en se marrant parce que Stallone et Schwarzenegger étaient potes, ils sont toujours d'ailleurs, c'est n'oublions pas que les restaurants Hollywood, je sais trop quoi là, c'était eux. Planète Hollywood, c'était Planète Hollywood. Ouais, et bah, c'est Il a dégueulasse. fait un four. Voilà, comme quoi ils ont essayé. Donc du coup, Demolition Man, j'ai un peu dévoilé l'intrigue, mais bon, voilà, on va y venir tout de suite. Nous avons un super flic en face d'un super méchant. Donc le super flic, c'est John Spartan, joué par Sylvester Stallone. Le super méchant, Wesley Snipes. Et toute une brochette d'acteurs qui gravitent autour, notamment donc Sandra Bullock, qu'on ne présente plus. Un peu moins connu, ça parlera peut-être plutôt aux cinéphiles un peu plus âgés, Nigel Hawthorne. Alors Nigel Hawthorne, dès que j'ai vu sa bouche, j'ai fait « Wow, mais attends une seconde, il y a Mel Brooks dans le film ?» Eh ben non, mais il y a la même Non. tête que Mel Brooks, quoi, c'est incroyable. Ouais. Et c'est un acteur bah, qui mourra en 2001, mais qui déjà à l'époque est déjà assez vieillissant. Il est déjà assez âgé, ouais. Pardon? Il est déjà assez âgé à l'époque. Ouais. Et il a fait plein de second rôles, sa filmographie. Je sais pas si on peut dégager des films qu'on connaît. Si, peut-être Georges III, il a fait plus du roi Georges chez nous en français. Peut-être de 1914, Demolition Man en 93, du coup. Et puis, bah, des séries. Bon. C'est un acteur visiblement plus habitué au second rôle. Et là, il est dans son élément. Et en plus, rien que son nom, c'est le docteur Cocteau. Rien que son nom, c'est encore une référence, bordel. Il a joué dans Amistad quand même, hein, putain. Quoi donc? Il a joué dans Amistad. Amistad. Ah, je n'ai pas vu. C'est De apparemment des plus mauvais films de Spielberg. Spielberg. Ouais. Donc, je ne suis pas très motivé pour le voir. Non, mais dans sa filmo, je crois que c'est ce qu'il y a de plus accessible, en fait. Quand tu regardes sa filmo, c'est ouais, c'est Amistad. Tout le reste, c'est des trucs un peu... Un peu moins connu, surtout qu'il y a beaucoup de TV et comme il est anglais, bah il y a forcément un peu moins de trucs qu'on connaît parce que les trucs américains sont plus diffusés ici que des trucs anglais en fait. Ouais, moi j'aurais pensé que par exemple le réalisateur il était devenu genre il faisait plus de la télé quoi. C'est vrai que c'était ouais, franchement. Dans les têtes aussi, dans le gros rôle qu'on est content de voir dans le film, il y a Glenn Shaddix. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est lui qui joue notre cher Otto dans Beetlejuice. Oh, c'est Là, loin, non. oh, c'est loin On pour peut moi pas, ça. le gars, on ne peut pas le louper, il a une tête, il a un look, c'est un look assez sympathique d'ailleurs. Donc, il joue dans Demolition Man, il a ce même look, il a le Beetlejuice, on le voit dans le rôle d'Otto. Et c'est un habitué de Burton, puisqu'il joue aussi dans Creusement et Monsieur Jack, la grosse voix du maire, c'est lui. Dans Planète des singes, il va aussi interpréter un sénateur ignesque. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière bien remplie, qui s'est éteint en 2010, qui nous a quittés en 2010, alors qu'il aurait pu vivre encore plus longtemps, puisqu'il est mort en 58 ans. 58 Ah ans, ouais. apparemment, il est tombé, il s'est fait une blessure, etc., en une chute, et bon. Ouais, je vois. On perd un gros rôle assez savoureux. Si vous voyez la bouille du monsieur, il y a aussi Denis Leary. Denis Leary, je ne sais pas si vous connaissez cet acteur. Pas mal Non, de pas gros du tout. rôles aussi. C'est lui qui fait la voix de Diego dans L'Âge de glace. Dans tous les L'Âge de glace, c'est lui qui fait la voix de Diego. Nous, D'accord. on a Vincent Cassel pour la version française. Oui, Ah, d'accord. c'est pas le même esprit hein, avec Vincent Cassel. Voilà. Vincent Cassel en doublage, il est un peu, enfin c'est spécial hein, parce que je me souviens, enfin pour Quatre mariages en enterrement par exemple, c'est lui qui doublait Hugh Grant. Et Sérieux? mais oui, et en fait t'as l'impression que, enfin son personnage, il en fait un mec. T'as l'impression que au niveau vocal c'est une névrosée en fait. T'as envie de lui dire mais putain mais dis ce que t'as à dire quoi, tu vois. Je trouve ça, je trouve c'est, enfin, je trouve ça dommageant. Il y a des acteurs comme ça, il y a des acteurs comme ça où en fait en doublage c'est pas possible, c'est ça passe pas, tu vois, leur voix ne passe pas et du coup tu dis mais même pas seulement les acteurs, des fois même des prestataires comme ça, par exemple pendant un moment les années 90 Nagui il avait fait une petite incursion dans le doublage et aussi en tant qu'acteur et c'est insupportable, il a une voix insupportable. Véritablement. Donc voilà. Bref, continue, Nîmes. Donc voilà, Demolition Man, c'est le genre de film, surtout en fait en un peu Twist Emerald, que personnellement, ça me fait plaisir de revoir parce que t'as tout, t'as de l'action, t'as de l'explosion, t'as toutes les petites références méta, tous les petits clins d'œil. La musique, alors, la musique d'Elliott Goldenthal, j'adore le compositeur, que pour moi, son score de Alien 3, c'est un des musiques de film les plus monstrueuses. Et là, j'ai trouvé, disons que j'ai l'impression que c'est sous-mixé, on entend à peine la musique, donc bon, c'est un peu dommage. Que dire de plus? Ah oui, Demolition Man, bon, on a parlé donc de tous les acteurs, on va dire un petit mot quand même sur l'histoire. Ah, c'est moi ou ça saccade un peu? Non, Non, c'est non, toi, ça va. vas-y. Non, je sais pas, les petits bruits peut-être de votre côté. Un petit mot sur l'histoire. Je voudrais En pas dire c'est toujours toi qui entends des petits bruits. Ah, c'est ma Hein. paranoïa dans les têtes. Et puis après, elle fait tout disparaître au montage, et c'est moi qui en accuse d'être schizophrène. Voilà. Bref. En fait, ce qui est qui est intéressant avec The Motion Man, c'est qu'on peut y voir une petite critique, comme beaucoup de science-fiction, de films de science-fiction, une petite critique des temps à venir, qui se révèle souvent assez juste, parce que, par exemple, à un moment, le docteur Cocteau discute avec plusieurs personnes sur des écrans. Comment ne pas voir les visioconférences des années 2020-2019, quoi? C'est les écrans, en plus, ils se tournent quand ils parlent dans la pièce, tu vois, les écrans qui sont sur les bords, qui se tournent, etc. C'est assez marrant. C'est un futur qui est un peu aseptisé. Bon, il y a évidemment la blabla culte avec les trois coquillages, on va passer, on va la refaire. Voilà, c'est ça. Sur Voilà, les mais préférés, tu sais. par exemple, à chaque fois que quelqu'un dit un gros mot, il se tape une amende. Donc c'est un futur où il n'y a pas de gros mots, où la musique, bah en fait, ce qui reste de la musique du XXe siècle, c'est des pubs. Donc les musiques de pub, ils sont abrutis avec des musiques de pub, etc. Le sexe, bah le sexe, c'est comme les gros mots, ça avilit l'humain. Donc le sexe, bah en fait, c'est virtuel, mais c'est tout, quoi, c'est triste, quoi. Alors, j'en profite juste pour dire un truc. Il faut écouter les chansons. Il doit y avoir deux chansons dans le film, mais il faut les écouter parce que, genre, dans la scène du restaurant, ils chantent la chanson de la pub du géant vert. Tout à Du fait. mail du géant vert, quoi. Tout à fait. Et bah en plus, la BO, en plus de Golden Time, il y a pas mal de titres de Sting, puisque Sting a été appelé pour faire un petit EP en parallèle du film. Donc, la chanson du générique de fin, c'est lui qui la compose, un petit remix de reprise. Il y Ouais, a bah trois titres. la même année, je crois, il avait fait, excuse-moi de te couper, la même année, pardon, il me semble qu'il avait fait aussi la BO de L'Arme Fatale 3. Je sais pas, vérifier, mais il Il avait avait sorti chanté aussi un L'Arme Fatale album. 3. Il avait sorti un album qui s'appelle Ten Summoner's Tales, qui est un de ses meilleurs. Donc, il va dire il a de quoi faire, il s'est occupé. Voilà, et donc c'est intéressant de. Ah oui, encore une petite référence, encore, qui est un peu plus pointue pour les fans de SF. Le personnage comment s'appelle, de Sandra Bullock, en fait, elle s'appelle Lenina Huxley. Or, Huxley, voilà, c'est le nom de Aldous Huxley, c'est un écrivain de science-fiction qui a décrit le meilleur des mondes. Un meilleur des mondes, en fait, c'est un futur où en fait tout serait aseptisé, il n'y aurait plus que les gens qui seraient dans la génétique qui se pliaient pour leur gène, pour le travail, etc. C'est un futur assez effrayant. Et bon, on voit bien qu'il y a une petite charge, malgré toute l'action, etc., il y a une petite charge, un coup de pied un peu à la fourmilière, quoi. Donc voilà, c'est un niveau de lecture, un peu des petits niveaux les méta, l'action pure. Et puis en plus, il y a Stallone et Wesley Snipes qui en font des tonnes, et c'est vraiment un régal à voir. Ouais, mais Ça, alors c'est quand même Stallone, c'est quand même Stallone sur la dans sa pente descendante, quoi, tu vois. ouais, oui, Stallone c'est dans sa encore. pente descendante, Wesley Snipes un peu avant ses problèmes fiscaux. Ouais, mais Voilà. Wesley Snipes aura encore Blade qui va encore, quelques années plus tard, Blade qui va quand même le mettre encore un peu sur le devant, quoi. Ouais. Ouais. Stallone, Stallone, il y avait eu Cliffhanger juste avant. Hein? Il y avait eu Cliffhanger juste avant en 92, non? Ouais, mais Cliffhanger, ça avait pas fait un. C'est pas un très très grand succès, hein. Ah. Cliffhanger, ça avait pas été un très grand succès. C'est un de ses derniers films à la réalisation old school et tout, mais après, ça avait pas fait un très grand succès. Et puis il a fait celui-là, et puis après, il a enchaîné avec quelques bouses aussi, quoi. Driven, c'est de la merde, je suis désolé. Il y a Lequel? Driven de Rémi Harlin. Tu Ah. vois? C'est pas des bons films, tu vois? Donc Essayer de se diversifier. ouais, c'est ça. C'est pas, tu sais, avant, il a fait quelques bousasses avant de faire Copland, tu vois, et mais Voilà, après il a tu recommencé à faire des bons Nelson, films. tu satures un peu en fait. Ah pardon, excuse-moi, attention, je suis un peu loin de mon téléphone, tu vois. Ouais, donc il a fait quelques drills, il a fait quelques bousasses avant de faire Copland. Donc c'est pas sa meilleure décennie 90, hein. Franchement, tu vois, il sortait comme quand il a fait Tango et Cash, il sortait de Rambo et le mec il essaie de casser l'image, mais l'image elle lui a collé à la peau. Ouais. Sur Sandra Bullock, c'est aussi un petit peu avant qu'elle explose avec Speed. Hein. C'était Ouais. Demolition Man, il est de 93 et Speed est de 94. Donc ça précède un Ouais, peu la période où après. tout à fait. Et Mais mine de marrant, rien, c'est ça marche que. super bien pour elle depuis 93, quoi. Avec forcément des Ouais. hauts et des bas, mais elle a jamais eu de réelle traversée du désert en réalité. Hein. Donc c'est pas mal. Et c'est Mais c'était intéressant quand triste même quand parce même. que Nelson me dit que c'est sur la pente descendante de Stallone. Toi, tu me dis que Oui. Sandra Bullock, c'est bon pour elle. Moi, ce que je vois, c'est que après coup, on voit quand même que le film, même s'il a quand même bien marché, il a quand même divisé un peu. Par exemple, il va avoir des nominations, mais pas forcément les meilleures. Il va avoir meilleur méchant pour Wesley Snipes pour MTV Movie Award. Et par contre, Sandra Bullock va se taper. Attends, Sandra Bullock va se taper pire second rôle féminin pour au Razzie Award, par contre. Ah bah Pour oui, Sandra ça Bullock. m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Là, mais bon, en fait, c'est le rôle qui veut ça parce que elle est très bien dans ce rôle de policière qui est fan des années 90, etc., qui est un peu nénuche, mais c'est parce que c'est le rôle qui veut ça, quoi. Oui, Je sais c'est pas ça. comment Je qu'elle pense se qu'il trouve, y a quoi. aussi une manière de percevoir les rôles féminins dans les années 90 qui est peut-être pas la même maintenant. Maintenant, on perçoit peut-être plus ce côté-là qu'à l'époque il était perçu. À l'époque, on l'a peut-être pris au premier degré. Ouais, je pense un peu au premier degré parce que elle fait exprès de jouer entre guillemets, la niche policière, etc. Et elle est très bien dans le rôle, etc. Franchement, elle fait très bien. Et puis, il reçoit Saturn Award. Saturn Award pour meilleur costume et meilleur film science-fiction, meilleur film visuel. Alors, meilleur film science-fiction en 94, je sais pas s'il y a eu beaucoup de concurrence, hein. Ouais, non, je crois Mais, pas non plus. par contre, les costumes, c'est vrai que les costumes des policiers, des trucs, etc., même les petits véhicules électriques dans le film, c'est quand même un peu de la gueule, quand même. Je veux pas dire. Donc, on va dire, je sais pas, on peut dire que c'est un film culte. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Non, mais c'est un film culte et c'est un chouette film à revoir quand j'en ai vu, quoi. Ouais, mais alors j'ai juste un petit truc. Me semble que Non, tu ne ressors pas le titre québécois du film qui est Le Démolisseur. Le Destructeur. Non, on va éviter. Non, j'ai juste signalé deux trucs. La première, c'est qu'il y a eu des jeux vidéo qui sont sortis de Demolition Man, donc un sur 3DO qui était nul à chier. D'ailleurs, il y a une partie, le pire, je pense que c'est la partie de course-poursuite en bagnole et la partie Mortal Kombat qui est peut-être la pire de tout le reste, de tout le jeu. Et pourtant, il avait comment ça s'appelle, donné de sa personne pour faire ce jeu Stallone. Et puis, la deuxième chose, c'est que il y avait un film qui ressemblait un peu à ce qu'il s'appelait Projet Shadow Chaser avec Franck Oui, Dallagarino exactement, ouais. et avec Franck Dallagarino, et il me semble qu'il est sorti en 93 aussi en comment ça s'appelle en VHS. Et Attends, je que ça vérifie. peut être vérifié, mais il me semble que le film avec Dallagarino, c'est un dérivé de ça, quoi. Il est de 92. Et 80, ah bah alors là, franchement, bah alors du coup, faut se poser la question. Est-ce que les mecs, ils ont pas trompé dessus pour faire, comment ça s'appelle, Demolition Man? Sachant quand même que Shadow Chaser, c'était un pompage de piège de cristal. Tu vois? Ah oui, d'accord. Faut vraiment poser un peu la question parce que quand même des ressemblances, je trouve. Les mecs qui Bah, viennent du futur, cryogénisés, tout ça, bon. après que enfin suffit que les scénarios aient traîné dans plusieurs studios et que au final Ouais, ça. il y en ait un qui soit dit ah bah tiens le scénario m'intéresse pas mais je vais prendre ça de tel truc machin. Après il y a Ouais, bon, des tendances par rapport aux époques aussi, des fois on retrouve les ok. mêmes histoires dans plein de films, enfin les Ouais. mêmes trucs, enfin voilà quoi. Ouais, mais bon, il y en a qui sortent en DTV, il y en a d'autres qui sortent au ciné, quoi. La Malheureusement. grosse différence, quoi. Bref. Bref. Ok, Bon. bah voilà. Ok. Ok. Bah écoute, me concernant, on va basculer dans un film totalement à l'opposé. Donc Let Them All Talk, qui est sorti. Regardez pas, hein, regardez pas pendant que je vous parle, je vous dirai qui c'est après. Ne regarde pas, on ne triche pas. Voilà. Donc, Attends, on peut quoi? lancer des noms comme ça au hasard? Non! Genre, et tu réponds pas? Ou tu réponds ou tu réponds pas? Non, je dirais rien. Soderbergh. Mais non, je dirais rien. Donc, surtout qu'en plus, tu commences à lancer des noms alors que j'ai même pas commencé à parler du film, donc c'est ridicule, quoi. Donc, Let Them All Talk qui est sorti en décembre 2020. Sorti sur HBO Max. HBO Max qui, alors nous on n'a pas HBO Max en France, mais aux États-Unis qui s'avère quand même un sérieux concurrent pour les Netflix en fait, j'ai l'impression, puisqu'il sort beaucoup de trucs récents et que sur ce point-là, ça a l'air d'être un peu le même créneau de Netflix, d'avoir récupéré tous les films qui n'ont pas pu sortir en salle. Ouais, Donc mais il n'y a pas d'offre France. Non, y a, ça, non, non, il n'y a pas d'Air France. Donc, y a quelques. Tu trouves quelques critiques, par exemple, de ce film-là en français. J'avais trouvé des Canadiennes. Mais voilà quoi. Après, D'accord. il y en a un, j'ai pas pu déterminer en fait si c'était une projection presse ou un truc comme ça. Bon. Donc c'est l'histoire de Alice, qui est une écrivaine célèbre et ultra curieuse. Elle a eu genre un Pulitzer, tout ça. Elle a écrit une œuvre culte et elle doit se rendre en Angleterre pour recevoir un prix. Mais elle peut pas prendre l'avion. Donc son agente littéraire en fait, qui est nouvelle au poste en fait, qui était l'ancienne assistante de son ancien agent, négocie qu'ils s'y rendent tous en bateau avec les invités de son choix. Donc Ça me elle dit quelque s'y. chose, ton truc. J'ai attends, chut. Ben ça date de décembre. Tu ça dit derrière, tu es derrière. Elle s'y rend donc avec ses deux plus vieilles amies et son neveu et donc l'agente qui est dans les parages, voilà, on le. Et donc, d'ailleurs, en fait, pour le tournage, ils ont vraiment tourné sur le Queen Mary 2. Et en 8 jours pour la majorité du film. La Ah ouais. majorité. Et là, pour la majorité du tournage, quoi. Donc voilà. Et donc, je vais pas tout de suite dire le réel. Regardez pas, je répète. Les acteurs et les actrices, tu as Meryl Streep. Il y a Candice Bergen. Diane West, je sais pas si vous voyez qui c'est, Candice Bergen et Diane West, parce que Candice Bergen, Candice Bergen, ça me dit quelque chose, mais je vois pas quoi. C'est ouais, la première des choses. voilà, le truc c'est que Candice Bergen, en fait, c'est une nana, enfin, qui a l'air super cool comme ça aux États-Unis, et j'ai regardé dans sa film, je me suis dit, mais elle a joué dans quoi et tout, parce que c'est vrai que son nom me disait vachement quelque chose. Et moi, je l'ai surtout vue dans beaucoup de trucs à la télé, hein, donc c'est pour te dire. Puis bah, elle a joué dans un film avec Sandra Bullock d'ailleurs, mais tout se recoupe. Après, attends, qu'est-ce que j'avais repéré comme film? Ah oui, elle a joué dans Grandi, donc entre autres, mais bon, elle a commencé sa carrière en 66, hein, donc elle a de la bouteille hein, quand même. Et c'est vrai que ces dernières années, bon, elle fait vraiment, c'est le personnage de la nana qui fait toujours très riche, très classe, d'un certain âge, voilà quoi. Diane West, bah, c'est une nana qu'on a vue dans plein de trucs aussi. On l'a vue chez Woody Allen, notamment, entre autres. Elle jouait dans Anna et ses sœurs, par exemple. Et puis dans d'autres trucs aussi. Mais Super pas. actrice. Comment? Super actrice. Oui, voilà. Non, mais c'est pareil. C'est genre, tu sais, entre les trois, si tu veux, il a pris de velours hein, pour faire son film. Et ça termine enfin, Gemma Chan, qui est une actrice qui est maintenant un peu plus, qui commence à être un peu plus connue maintenant, notamment grâce au succès je crois que c'était le film, attends, comment ça s'appelait? Crazy Rich Asian, je crois. En fait, Ah qui oui. voilà, elle jouait dedans, donc bon, après, elle a commencé sa carrière bien, bien avant, elle a commencé en 2006, hein, donc, mais bon. Mais je crois qu'elle est britannique d'ailleurs, parce que, ouais. Attends. Oui, c'est ça, elle est britannique d'origine. Donc, Gemma Chan. Ensuite. Et ça termine aussi par Lucas Hedges. Donc, Gemma Chan et Lucas Hedges, c'est un peu le quota jeune, en fait, du casting. Donc Lucas Hedges qui a joué parce que chaque fois je vois son nom partout mais je suis incapable de déterminer à quel film il a joué en fait. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi mais ça doit être si enfin attends mais si il jouait dans Trois Billboards, je l'ai vu mais voilà, tu sais c'est des films je sais pas pourquoi tu sais sa tête te dit quelque chose à part son nom te dit quelque chose à part mais finalement à quoi tu peux le rapporter quoi. Manchester by the Sea, je crois que je l'ai vu, je suis pas sûre. Bon, il a joué dans Lady Bird aussi. Enfin voilà, s'il était dans Moonrise Kingdom, c'était son deuxième film. Bon voilà, c'est. Et puis dans Grand Budapest Hotel aussi. Oui, il a fait deux films avec Wes Anderson. Donc bref, et il joue dans French Exit, le prochain Wes Anderson aussi, je crois. C'est ça? Attends, c'est. Celui qui l'a tourné dans le sud. Ouais, c'est ça, ouais. qui du coup tarde un peu, je pense qu'à cause de, je sais pas si c'est à cause de À coronavirus l'avenir, ou pas, oui. mais ça commence à faire un moment qu'on entend parler de ce film, quoi. Non, c'est même pas, c'est pas Wes Anderson, c'est Azazel Jacobs. Ah oui, c'est ça en fait. Non, je confonds. Fred Chuxi, c'était encore autre chose. Lui, c'est ouais, c'est le truc avec Pfeiffer. Ok, d'accord. Donc, je disais Let Them All Talk. Et la scénariste, attends, ouais, la scénariste aussi, attends, que je vois, parce que en fait, en termes de scénario, c'est très très fin. Tu suis comme ça des gens par rapport à tout ce qu'ils vivent, et pareil pour les dialogues aussi, enfin, tout est super naturel en fait. Donc, la scénariste, elle, bah, elle, c'est marrant parce que la scénariste, elle a fait un peu d'acting aussi, et c'est un peu le seul scénario qu'elle a écrit. Donc, elle a pas fait énormément de trucs, hein, donc, ce qui est quand même assez étonnant de la voir. Hop, boum, premier scénario, casting pareil. C'est quand même assez costaud quand même, je trouve. Donc, le film, en fait, c'est du Woody Allen type, mais sans le côté humour à la Woody Allen. Oh, Et c'est du ça... triste, quoi. Non, pas du tout, c'est pas triste. Non, mais c'est pas dépressif du tout. Mais c'est juste, voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ce côté, enfin, un peu drôle, mais bon. C'est peut-être perso, hein, parce que c'est classé comme comédie dramatique. Mais bon. Et sans la petite musique jazzy en permanence derrière. Parce que c'est d'ailleurs assez flagrant, en fait, cette absence de musique. Et c'est justement, c'est marrant d'y retrouver Diane West, en fait, qui a joué dans des films de Woody Allen, quoi. Donc du coup c'est assez verbeux, les films sont assez introspectifs, ils se questionnent pas mal sur eux-mêmes, sur leur interaction les uns avec les autres. Le film est fait de rencontres fortuites, et dans des décors plutôt d'interaction bourgeoise, donc le restaurant, le bateau de croisière, vers la fin un genre de bed and breakfast plutôt très confortable. Tout y est très classe, même le jeu d'acteur, donc je le disais tout à l'heure, est assez classe et fin, quoi. Tout suit de manière très très posée, trop peut-être des fois, parce que au début j'ai bien cru que j'allais m'emmerder et que j'allais dormir devant, mais finalement en fait on se laisse entraîner par toute cette lenteur, en fait, par tous ces gens qui vivent leurs événements sans trop de stress, juste. Les cadres sont plutôt soignés, et surtout en fait on sent que le réalisateur utilise pleinement ses décors, en fait. On sent que le bateau de croisière par exemple, il s'est fait plaisir, il s'est dit je suis sur le Queen Mary 2, ça faut en profiter. Après il y a certainement une volonté de montrer un certain faste de vie par rapport justement à cette écrivaine bourgeoise qui invite des proches à elle moins fortunées qu'elle. D'ailleurs on sent que ça doit faire partie des tensions entre elles, soit entre le personnage de Candice Bergen qui est un personnage d'une femme d'un certain âge qui a divorcé il y a un moment et qui finit sans le sou à vendre de la lingerie alors qu'elle déteste son job, tu vois, et qui peut pas s'empêcher de penser à ce qu'a écrit, parce qu'en fait le roman en fait tout le truc c'est ils se disent mais le roman qu'elle a écrit avec lequel elle gagne Pulitzer, en fait c'est sûrement nous, c'est surtout nos personnages, donc ça crée des tensions, enfin bon, des trucs comme ça. Et en fait dans l'ensemble on n'est pas sur un scénario préconstruit, mais en même temps l'histoire prend pas des masses de risques, c'est-à-dire qu'il y a pas grand-chose d'inédit, quoi. Mais voilà, c'est pas dérangeant, c'est pas hyper obvious que c'est des trucs super connus, voilà. J'entends taper, j'espère que c'est pas pour regarder qui c'est. Non. Non. Et On donc, joue le jeu. d'accord. Mais les personnages, en fait, le tout, bah, c'est plutôt bien défini, c'est surtout bien joué. Et en même temps, le réalisateur a quand même le luxe, voilà, d'avoir que des actrices hyper rodées, quoi. Je veux dire, tu prends les trois, c'est quand même. Ah, attends, j'ai plus de. Il faut que je branche mon ordi. Lourd. Il est à bout de batterie. Voilà. Donc, voilà. Et c'est comme s'il avait pris du caviar, quoi, en gros, pour faire son film, quoi. Et en fait, enfin voilà, tout passe comme dans du beurre. Et Lucas Hedges, qui joue le neveu, en fait, du personnage de Meryl Streep. A même pas l'air déplacé en fait dans ce casting, quoi. D'ailleurs, enfin, il paraît que le réalisateur a laissé beaucoup beaucoup d'impro aux acteurs, en fait. un peu comme le frère Alipan, quoi. Et donc, ce réalisateur, c'est Steven Soderbergh. Et c'est là que je vois que t'as triché, Nelson. Non! Si! Non, je n'ai pas triché! Si non! J'avais même pas dit un mot sur le film, t'as dit Soderbergh. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. J'ai absolument pas si. Triché. Si, si, non, si. Pas du tout. Pas du tout. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Ouais, c'est ça. J'ai ouais. pas triché. Mais... pas triché. Donc, et Soderbergh qui retrouve Meryl Streep après The Laundromat et un précédent film. Attends, parce que du coup, moi, j'étais super scotché parce que le pré... en fait, là, il est sur HBO Max et les deux précédents étaient sur Netflix. Donc, il continue sur le côté mettre ses films en VOD. Donc, c'est-à-dire quelque part en film, je sais pas comment a marché Paranoia, mais depuis, il fait de la VOD quand même. Et en plus, quand tu connais Soderbergh, c'est le mec qui peut sortir 3-4 films par an, quoi. Bah là, il se contente d'un par an. Hein. C'est ouais, déjà là, pas mal. Là... et attends, avant The Laundromat, donc qui paraît était quand même une réception un peu moyenne, et le précédent, entre Paranoia et The Laundromat, il y avait High Flying Bird. J'avais jamais entendu parler du truc, quoi. J'ai zappé, je suis passée totalement à côté. Et qui est sur Netflix aussi, apparemment. Et normalement, cette année, ils avaient bien dit, Warner par exemple avait dit qu'il sortirait ses films quand il pourra au cinéma et aussi sur HBO Max. Oui, oui, oui, mais après, par contre, oui, mais là, les salles sont pas ouvertes. Donc, pour le coup, en fait, il sort. Là, pour l'instant, ça a été noté que sur HBO Max. Mais effectivement, il y aura des séries des sorties en parallèle. Et bon, moi, je l'ai déjà dit dans de précédentes émissions, je trouve ça pas si mal parce que finalement, quand tu le sors en plateforme, ça touche aussi un public qui serait pas déplacé en salle. Donc, et donc, d'une manière générale, donc si le format en fait du film, justement, de ce côté un peu Woody Allenien, tu vois, peut rebuter. Et encore Woody Allenien, super sérieux, quoi. Enfin super sérieux, ouais, plutôt sérieux, quoi. Il peut rebuter, ça marquera peut-être pas le cinéma, mais le film vaut quand même le coup. En fait, donc je trouve que voilà, dans son genre, c'est plutôt pas mal. Voilà. Okay. Ok, very good. Alors, donc c'est à moi. Oui. C'est à moi. Alors, donc, moi Nelson, j'ai vu des agents très spéciaux, Code Uncle, donc un film de Guy Ritchie sorti en 2015 déjà. Avec Henri Cavill, Armie Hammer et Alicia Vikander. Hey, juste stop 2 secondes, Armie Hammer qui vient d'être accusé de d'envoyer des messages de cannibalisme. Je trouve, alors même si c'est complètement entendu, je trouve ça à mourir de rire. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu sais, t'as tête de tout en fait, t'entends de tout de la part d'Hollywood, mais je crois que c'est la première fois d'un mec comme ça qu'on entend qui se retire d'un film parce qu'on l'accuse de vouloir être cannibale. Tu fais. Je le trouve d'autant plus intéressant en fait. Vas-y, continue. Et donc en fait c'est donc donc Armie Hammer qui est soupçonné de cannibalisme, en tout cas d'envoi des SMS caractère cannibale, et donc il a dû arrêter le dernier film qui était en train de tourner justement parce que sans aucune raison, mais bon, lui dit que c'est pour se rapprocher de ses enfants, etc., etc. Bref. Même Sunday Uncle, sorti donc en 2015 de Guy Ritchie avec Henry Cavill, Armie Hammer et Alicia Vikander. Il y a aussi quatre mariages notamment, c'est quoi déjà? Hugh Grant. Voilà, Hugh Grant. Il y a aussi Hugh Grant. Putain, quand je l'ai vu, je dis ouais, putain, mais ouf, Hugh Grant, ouais. Ça fait trop longtemps, mec. Ah là là. C'est trop forcé quand je l'ai vu. Je dis putain, c'est excellent, quoi. Et en fait, pourquoi je parlais de Soderbergh tout à l'heure, c'est simple, c'est parce que quand j'ai vu Man from the Uncle, je savais que Soderbergh il devait le faire au départ et que finalement il a préféré le laisser à un autre réal. Au début, ça devait être avec George Clooney et ensuite ça devait être ensuite ils avaient ça s'est pas fait. C'était ensuite Ryan Gosling, était pressenti pour le rôle de Napoléon Solo, Ryan Gosling, ensuite Joseph Gordon-Levitt, ensuite Alexander Skarsgård. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il a, dans quoi il a joué, Oh, mais tu sais Mon pas qui frère, quoi. c'est? Oh, Non, je ne vois pas. Trublade, c'est le grand blond Trublade. En fait, c'est celui qui est issu de toute la famille Skarsgård là. Enfin, le père, c'est Stellan Skarsgård qu'on a vu notamment, enfin entre autres dans Avengers, tu sais, qui fait le professeur dans Thor, Oui. quoi. Après, il a une carrière bien avant ça, tu vois, et tout. Il a même joué, je crois, pour Lars von Trier. Enfin, bref. Et en fait, il a, je crois qu'il est vraiment d'origine danoise ou suédoise, je sais plus. Et en fait, il a engendré trois, quatre gamins qui sont eux-mêmes acteurs, dont Alexander Skarsgård qui s'est fait connaître dans True Blood et après qui maintenant joue dans plein de trucs. Et pareil, son autre frère aussi, je sais plus comment s'appelle, qui jouait bah, le clown du remake de ça, c'est un des fils Skarsgård. Et D'accord. il en a un qui joue, un autre qui joue dans Westworld aussi, avec un des frères Hemsworth aussi, tu vois, c'est. Ils sont partout. Ouais, D'accord. c'est ça. Et donc en fait le film donc dans le personnage donc il y avait beaucoup d'acteurs américains qui étaient pressentis pour faire le personnage de Napoléon Solo pardon et à un temps Tom Cruise aussi avait envisagé de le faire mais là, ça aurait été vraiment insupportable que ce soit Tom Cruise qui le fasse parce que ça Oh, aurait tu fait tout un m'étonnes. truc Oh, autour putain. de Tom Cruise bref Mais c'est ça. alors donc en fait Man from the Uncle c'est une histoire simple c'est deux agents donc un agent de la CIA qui va en territoire donc Berlin-Est pour aller récupérer une demoiselle alors j'ai oublié le nom de la fille jouée par Alicia Vikander qui alors attends bonjour Alicia Vikander Gabi voilà. Il va chercher une fille qui s'appelle Gabi Taylor, qui à la base est une mécanicienne, et il va la chercher et tenter de la ramener à l'Ouest pour lui demander, pour lui poser des questions sur son père, en fait. Et apparemment, son père, c'était un ingénieur nucléaire. Et donc, comme il est en territoire de l'Est, comme c'est blindé d'espions du bloc soviétique, il s'est repéré et il s'est pris en chasse par un super espion. Du KGB appelé Ilya Kouriakine et donc qui est joué par Armie Hammer et en fait c'est au départ c'est Napoléon Solo donc Henri Cavill qui s'enfuit de l'Est vers l'Ouest avec Alicia Vikander alias Gabi Taylor poursuivi par Ilya Kouriakine et en fait il passe à l'Ouest et Ilya Kouriakine lui n'arrive pas à les rattraper et il a failli à sa mission. Seulement quelques temps plus tard, donc Napoléon Solo, il se fait convoquer par ses supérieurs et il se rend compte qu'en fait, il doit faire équipe avec Ilya Kouriakine pour justement Le retrouver bon vieux petit movie. voilà pour retrouver le père de Gabi Taylor, donc Alicia Vikander, pour l'empêcher de fabriquer là une bombe H. Et le truc, c'est que le film, en fait, il est moyen. Il est très moyen. C'est-à-dire, c'est un C'est du buddy movie. guerrier moyen, quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est du buddy movie, mais avec les effets de style de Guy Ritchie, la musique un peu cool, une grosse inspiration années 60, parce que forcément, c'est adapté de la série britannique Man from the Uncle. Avec comment il s'appelle Robert Vaughn dedans et David McCallum dans le rôle de Kouriakine et qui était une série télé qui a duré quand même 4 piges quoi sur le réseau NBC dans les années 60 et donc c'est très inspiré il y a une grosse inspiration c'est vrai une grosse vibe années 60 et tout mais le problème c'est que ça va pas du tout avec les effets style coolitude arnaque crime et botanique mon cul de Guy Ritchie du coup bah, le film il est moyen c'est-à-dire qu'on s'emmerde rapidement les scènes d'action surtout les scènes de baston sont filmées avec le cul c'est monté avec les pieds c'est-à-dire que ça coupe ça shake de partout tu comprends pas l'action. Les comment ça s'appelle la BO est Mais cool freestyle. ouais mais la BO est cool non mais il a comment dire le dernier Guy Ritchie j'ai oublié comment il s'appelle Simple C'est Gentleman gentleman? ouais voilà il est bien filmé il est très bien filmé celui-là. Il est très cool. Là, ouais, bah, comparé à Man from Dunkirk, quand Dunkirk, c'est filmé avec le cul. Et du coup, bah, on s'emmerde rapidement, il n'y a pas de, il n'y a pas de réel enjeu, pas, c'est pas fun. Il n'y a pas le fun qu'on peut trouver parfois, j'ai dit parfois, chez les créations de Guy Ritchie. Mais là, il n'y a pas vraiment le fun, franchement. Je me suis emmerdé, les retournements de situation à la Guy Ritchie, donc ça veut dire que quand le retournement de situation intervient, t'es pas surpris, parce que t'as vu ça dans les autres, tu vois, t'as vu ça dans d'autres films à lui, et du coup bah tu te laisses driver, et c'est vrai que là la ride elle est vraiment chiante, quoi. J'ai pas trouvé ça fun, vraiment pas fun. J'ai pas trouvé ça drôle, je veux dire. Henri Cavill, il joue le mec un peu sophistiqué, mais en fait, ça penche plus vers une espèce d'interprétation d'anglais, d'aristo anglais, qui lui va pas du tout. Armie Hammer, l'espèce de colosse russe, lui, ça va, mais ça tient pas tout le temps, en fait. Ça tient pas droit tout le temps. Il y a que Alicia Vikander qui va bien dans le truc, tu vois. Elle a un rôle qui est intéressant, qui est pardon petit rototo, qui est intéressant, qui est enrichissant, enfin je veux dire qui est intéressant et qui fait bien la pardon petite trousseau, ça c'est un Covid qui arrive. Le truc c'est que oui, elle a un rôle, elle s'y tient bien, ça dépasse pas. Donc le truc c'est que la meuf qui joue la comtesse Victoria Vitsigera, enfin c'est pas la comtesse pardon, c'est la méchante, donc qui est jouée par Elisabeth Debicki, elle est complètement transparente dans le film, quoi. Luca Calvani qui joue Alexander, lui ça va, il est pas mal, mais par contre il y en a un que j'aime bien, enfin il y a deux rôles que j'aime bien, Hugh Grant, ça je l'ai dit, mais il y a aussi Sylvester Groff qui joue l'oncle Rudy, une espèce de mec complètement taré qui à un moment dans une scène de torture est assez drôle, tu vois, qui en fait une espèce d'oncle mais qui est complètement taré et qui torture les gens à la chaise électrique. Alors on peut compter aussi, David Beckham qui fait un caméo en projectionniste russe. D'accord. On voit deux secondes dans le film et voilà, c'est pas, enfin même moi je l'ai pas repéré tout de suite, quoi. Ça sent le truc juste parce qu'il doit être pote avec Guy Ritchie, quoi. C'est ça, mais mais sinon ouais le reste du truc voilà c'est bancal. Ouais, mais je vois qu'il y a Jared Harris aussi qui joue dedans. Jared Harris, ouais. Et Jared Harris qui est le fils de l'acteur Richard Harris qui jouait dans Harry Potter. C'est que récemment que j'ai fait le rapprochement en fait et que je savais pas et Jared Harris, moi, j'avais vu dans des séries télé. Enfin, tu vois, c'est l'acteur qui est vraiment super. Je crois qu'il a joué dans Tchernobyl, il a joué dans Fringe aussi. Et Richard Harris, j'ai appris il y a pas longtemps. Tu sais, il y avait une chanson de Donna Summer. Comment ça s'appelle le truc Park, là, je sais pas quoi, là. Attends. Rock Creek Park. Comment? Non, c'est pas Rock Creek Park, non. Non, attends, je vais le trouver. Parce que, et en fait, c'est Richard Harris qui a sorti la première chanson, la première version de cette chanson qui avait été popularisée par Donna Summer, en fait. Ah ouais, d'accord. Et, MacArthur Park, voilà. C'est ça. Ah. Et en fait, la chanson, on la connaît que sous la version, souvent par Donna Summer. Donc non, c'était juste histoire de dire, en fait. Et donc, voilà. Sinon, c'est pour ça que j'étais, mais, donc pareil, en fait c'est un film de lignée parce qu'entre le Skarsgård et Jared Harris, en fait, les fils de Jean-Bartho. C'est vrai, ouais. Mais non, franchement, bah, c'est un résultat malheureusement que je trouve très bancal, pas très intéressant. J'aurais vraiment, j'ai pas trouvé le fun que j'ai trouvé dans ces Gentlemen, c'est ça? Je me souviens jamais du nom du truc. The Bref, Gentleman. ouais, Gentlemen, j'ai pas trouvé le même fun et j'ai pas trouvé le même fun. J'ai pas, je me suis un peu, je reconnais, je me suis un peu emmerdé au bout d'un moment. C'était, enfin, c'est pas drôle, quoi. C'est pas, y a pas le fun de d'habitude, malheureusement. Après, j'ai l'impression que Guerrici, Et il a réussi un sur deux de films, non? hein? Guerrici, il a réussi un sur deux de films, non? Bah, je sais pas, mais parce que j'ai pas vu Aladdin, j'ai pas vu Ouais, non, mais je sais pas, vu d'autres, tu vois. ça, non, mais en fait, c'est trop ça. Attends, c'est quand tu regardes ce qu'il a, attends, ce qu'il a fait. Putain, en plus, c'est prévu Aladdin 2, quoi. Aladdin avant, encore, le roi Aladdin 2, donc Arthur. c'est-à-dire Aladdin 2. Avant ça, il avait fait donc Aladdin, Roi Arthur, Agents très spéciaux, Avec bon, deux Sherlock. des courts-métrages et des pubs, bon, ça, il faut bien manger. Et Sherlock Holmes aussi, un deux. Ouais, non, c'est oui. Ouais, c'est. Il se disperse, en fait, Guy Ouais, Ritchie. mais c'est intéressant. Enfin, en tout cas, voilà, c'est. Par contre, l'esthétique du film est très très belle. Alors vraiment, c'est raffiné et tout. C'est la déco. Putain, le mec qui a fait la déco, c'est pas un manchot. Hein. Le mec, il sait y faire. C'est super beau. Après, bon, enfin, la déco fait l'ambiance, mais l'ambiance fait pas tout, quoi. Voilà. Et t'as des séquences un peu qui rappellent. Alors en plus, tu sais, dans la mise en scène, parce que pas seulement dans le montage, mais dans la mise en scène, on essaie de faire un peu monter la vibe façon, monter la sauce façon western. Et ça tient une séquence sur deux en fait. Ça tient, ça c'est vraiment cool une séquence sur deux. Donc essayer de faire genre Lonesome Cowboy, bah pour au départ pour le personnage de Henry Cavill. D'ailleurs, dans toute la série, enfin, dans tout le, pardon, le film, Henry Cavill, il appelle Armie Hammer, il l'appelle le Péril Rouge, et Armie Hammer, il appelle Henry Cavill Cowboy, quoi. Parce que pour lui, c'est un mec pas du tout raffiné, c'est un gars qui est pas du tout, qui n'a pas du tout les méthodes du KGB, quoi. Et il n'a pas du tout les méthodes de la CIA, mais ça, c'est une espèce de, tu vois, de truc genre. Comparé à T-West, quoi. C'est ce qu'on parle à l'habitude. Antagonisme. Voilà, c'est ce qu'on parle à l'habitude. Mais après, il y a des choses sympas, la déco est sympa. Il y a des effets de style on voit que il a aimé les films d'espionnage des années 60. On voit que le réal, il a bien aimé Danger Diabolique de Bava. Voilà, sinon c'est voilà, malheureusement, on s'emmerde un peu. Y a pas de y a moi j'aime bien les phases où Henri Cavill il essaye de parler en espagnol pardon en italien et un peu en russe et tout mais sinon après voilà le fun il est pas là D'accord. malheureusement et voilà OK. Cavill on le retrouvera quelques temps plus tard dans Mission Impossible et ça se voit que le physique qu'il a il c'est pas le même que dans Mission Impossible quoi. Mission Impossible il est un peu plus sec. Et par contre, Armie Hammer, c'est une montagne le truc. Hein. Putain, lui, il te met une baffe, tu remontes dans le temps, quoi. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Alors, donc on va enchaîner avec Evil Speak ou Messe Noire en français de Eric Weston. Bon, le pitch, c'est dans un âge sombre et lointain, le père Esteban et ses fidèles jurent fidélité à Satan. Du coup, ils sont. Attends. M'arrêtez de m'interrompre, là, c'est cassant l'ambiance. Du coup, ils sont bannis d'Espagne. À une époque contemporaine, Stanley Cooper Smith est un jeune orphelin qui bénéficie d'une éducation au sein d'une académie militaire réputée, mais au sein de laquelle il est une sorte de paria en étant sans cesse emmerdé par ses camarades et il ne peut même pas se tourner vers ses profs car bon, les profs le prennent un peu pour un imbécile et ses limites, ils n'approuvent pas qu'il se fasse rejeter par les autres élèves. Un jour, on le punit, un peu sans raison, à nettoyer la cave de la chapelle. Et il y trouve le bouquin ayant appartenu au père Esteban. Ta ta ta. Comme il est fortiche en informatique, il va utiliser un ordinateur pour retranscrire et traduire le contenu du bouquin, faisant de l'ordinateur un instrument des boniaques par la même occasion. Bon, le premier film de son réalisateur, hein, donc Eric Weston, qui... Alors attends, parce que du coup j'ai trop de fenêtres ouvertes. Attends, ouais, voilà, plop, parce que sinon ça fait trop de bordel. Que je me retrouve dans mes petites notes. Donc, premier film de son réalisateur, réalisateur qui s'appelle Eric Weston, qui n'a pas fait énormément de trucs, hein, pour avouer, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est aussi au scénario, crédité au scénario de son truc, hein, avec un autre mec qui s'appelle Joseph Garofalo, qui lui a juste écrit deux trucs. Hein, donc ça, qui était son premier, et un autre qui s'appelle Shaker. Et donc Eric Weston, qui a fait un peu de prod. Voilà, mais de temps en temps, il fait un peu de prod comme ça. Entre 77 et 2019, il y a par contre pas tant de films que ça en tant que prod. Hein. Pareil, en tant que réalisateur, c'est un peu la même. Voilà. Il a fait quelques réalisations, mais c'est pas... Ouais, il a dû faire peut-être une dizaine, un truc comme ça, de réalisations. Bon, depuis 80, c'est pas non plus un gros stacanoviste. Je sais pas si c'est à quoi c'est dû, si parce qu'il trouve pas de boulot ou pas. Bref, sinon... Donc le film, en fait, il a une particularité, c'est qu'il a été, il fait partie des films catalogués en tant que vidéo nasty. Donc les films d'exploitation vidéo nasty, en fait, c'est des films d'exploitation peu coûteux, dits violents et qui ont été bannis en Angleterre dans les 80. Ça, ils figuraient sur une liste, en fait. Vous regarderez parce que c'est toute une histoire, machin, en fait, parce que c'était d'abord issu d'un vide juridique qui leur permettait de sortir en vidéo s'ils n'étaient pas acceptés en salle. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, bref, et au final, ils ont fini par faire toute une liste de films qui n'avaient pas le droit de sortir en Angleterre. À cause de la fin et du satanisme évoqué par l'histoire, en fait. Et d'ailleurs, Anton LaVey, qui était fondateur de l'Église de Satan, était méga fan du film. Donc, pour le casting, on a Clint Howard. Clint Howard, qui est Clint Howard, sa tête, vous la connaissez forcément. Il est parfait pour ce rôle parce qu'il a à la fois la tête d'un innocent et à la fois d'un mec chelou. Et parce qu'il est quand même dur d'être les deux à la fois, quand même. Donc, et en fait, j'aime beaucoup le détail de sa bio IMDb qui dit que c'était un enfant silencieux habillé en scout avec un sandwich au beurre à la confiture au beurre de cacahuète, duquel il était toujours prêt à donner un morceau à n'importe qui. Donc déjà de base, c'était un petit mec spécial. Mais mine de rien, en fait, Clint Howard, c'est aussi le frère de Ron Howard. Et d'ailleurs, il joue dans Solo. Et dans Cocoon aussi. Enfin bon, bref. Et Il joue dans Solo. Oui. D'accord. Et bon, il doit avoir un petit rôle, je sais plus. J'avais son nom tout à l'heure, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je me suis un pas de tête. En même temps, c'est le mec, je sais que je l'ai vu plein de fois. C'est pour ça que j'ai regardé celui-là, parce que je me suis dit, oh tiens, c'est lui en premier rôle, je vais regarder. Mais j'étais incapable de savoir d'où je l'avais vu de base, quoi. Et donc là, en fait, dans le film. Dans Evil Speak, il avait à peine la vingtaine au moment du tournage, mais il était déjà grave affecté par la calvitie et il portait un postiche qu'il a dû payer de sa poche. Donc on dit producteur radin, on rappelle, c'est les productions pas très chères. Donc voilà. Dans les acteurs, il y a aussi Don Stark, ça évoque rien comme ça. Il joue un peu l'élève en chef des bullies, quoi, la petite frappe en chef, quoi. Qui passe bien auprès de la direction de l'école, mais qui est en fait une vraie pute. Et donc ouais, moi je l'ai vu, je me dis sa tête, elle me dit quelque chose et tout. Et effectivement, en fait, il jouait dans That 70's Show une fois adulte, enfin réellement adulte, parce qu'il pareil, il devait avoir la vingtaine à ce moment-là, je pense. Et en fait, dans That 70's Show, le personnage principal, Eric Foreman, il était amoureux de sa voisine Donna, sa pote d'enfance. Eh bien, il jouait le père de Donna, ce mec-là. Donc, un rôle complètement... Ah oui, il est un peu ouf, là, oui. Avec la mini-afro à la façon blanche et ouais, tout. Ouais. Et, sauf qu'il ne s'est pas échangé. Voilà, exactement pareil. J'ai pensé pareil. J'ai pensé au père échangiste à ce moment-là. Et donc, la trame scénaristique, bah, c'est Carrie, en fait. C'est pour ça qu'il a été qualifié de rip-off de Carrie. Donc, l'histoire d'un ado bouc émissaire qui a une lente progression dans l'occultisme pour finir en une bonne vengeance où les salopios, ils morphent un à un. C'est typiquement ça. Et non, moi, ça se suit très bien. Voilà. Parce qu'entre les interprétations de personnages qui sont hyper identifiables, c'est vrai, à l'époque, c'était quand même. C'est un point du personnage, je trouve qu'à l'époque, les personnages étaient mieux définis que maintenant. Et donc, et aussi Clint Howard, qui est assez hypnotisant quand même, en tête du casting, quoi. Et toute cette progression scénaristique qui est vachement bien faite, on s'ennuie pas vraiment, en fait. Et puis, c'est assez difficile de pas être en empathie avec le personnage et Clint Howard, d'ailleurs, parce que, que ce soit aussi bien quand il s'en prend dans la gueule ou que quand il a des petites notes d'espoir, parce qu'à un moment, on lui donne un petit chiot, donc, il reprend vie, tout ça. Bref, après, il y a des détails un peu clichés, typiques de l'époque, et à ce genre de film, comme quand le personnage de Sarge, en fait, qui est un concierge ivrogne, et se bat avec Cooper Smith, en fait, donc le personnage de Clint Howard, il prend le temps de boire des gorgées entre deux tentatives d'attaque, quoi, tu vois. Genre le cliché de l'ivrogne qui peut pas attendre 2 secondes, pendant qu'il se boit, il a besoin de boire aussi, quoi. Ou le fait qu'il y ait des petites bougies autour de la tombe d'Esteban, parce qu'à un moment, le personnage, il trouve la tombe d'Esteban dans la cave de la chapelle, quoi, et bon, à un moment, il est posé, il parle, et en fait, je regarde derrière, je fais, mais qui a posé ces petites bougies? Et c'est joli cinématographiquement, mais qui les a mis, quoi? Parce que visiblement, c'est pas le perso principal, hein, qui est dans l'histoire le seul à avoir accès à ce moment-là, à cet endroit-là, quoi. Ou le fait d'utiliser des cadres un peu décadrés pour qu'on voit, qu'on perçoive des trucs derrière, genre une icône de Jésus comme à un moment précis ou comme s'il se faisait observateur ou une petite présence dans le fond lorsque Cooper Smith a transcrit le bouquin d'Esteban dans l'ordinateur, quoi. Parce qu'en fait, le bouquin l'ordinateur, il s'en sert un peu comme de Google Trad. C'est Google Trad avant l'heure, en fait. Sauf qu'il rentre des trucs en latin et il lui fait le truc. Donc du coup, le texte reste dans l'ordinateur et devient investi d'un pouvoir satanique. Et donc voilà. Et il y a un rôle féminin qui est, outre celui d'une mère de l'élève, petite frappe en chef, là, qu'on voit un petit peu au début. Il y a un rôle, en fait, qui est celui de la secrétaire du chef d'établissement, qui est clairement là pour 2 choses. Pour montrer l'influence satanique du livre sur les événements, et surtout, avoir un personnage féminin qui se met à poil à un moment. Personne, pas... voilà, passage obligé des films de cette époque quand même. Et de genre, là, donc voilà. Donc elle finit bien sûr comme toutes les dévergondées très mal. Voilà. Alors pour la blague, j'ai remarqué un truc, j'ai pas trouvé de truc dessus, mais bon, c'est peut-être notifié quelque part, j'en sais rien. Mais en fait, pour la blague, le film se finit en disant que le personnage, je sais pas, alors, mais bon, sinon je peux pas raconter mon truc, se finit en disant que le personnage principal, Stanley Cooper Smith, a été interné à l'asile de Sunnydale. Et ouais, comme dans Buffy contre les vampires, Sunnydale. Donc le film étant de 80, la série de 97, parce que je crois que c'est pas que Sunnydale est pas ne, est pas évoqué dans le film qui a inspiré la série. On peut penser que bah, les créateurs de la série, que ce soit Joss Whedon ou autres, ont une petite on y ont mis peut-être une petite référence ou parce qu'ils avaient vu le film, parce qu'en fait la série il y a plein de références en réalité à divers films de genre par-ci par-là, quoi. Donc je serais pas étonnée que ce soit ça, quoi. Après si et j'ai regardé, il n'y a pas de vrai film qui s'appelle Sunnydale. Quand tu regardes, en fait, les seuls moments où tu parles de Sunnydale, c'est dans Buffy, quoi, et à la fin de ce film. Donc c'est quand même super super bizarre comme coïncidence, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, t'as un épisode de Buffy contre les vampires qui se passe dans l'asile de Sunnydale. Et ça aurait été tellement bien, tu vois, de voir que ça aurait été tellement bien que ça aurait été l'occasion de retrouver l'acteur qui faisait Cooper Smith et tout. Et par contre, mais c'est pas le cas. Mais du coup, par contre, il y a aussi Tandis qu'à mon avis, que c'était pas étranger, c'est qu'en fait, la mère de Ron Howard et Clint Howard fait une apparition dans un épisode de la série dans la série Buffy. Dans l'épisode 1, en fait, dans l'épisode 4 de la première saison. Tout se recoupe. Donc voilà. Ok. D'accord. Donc ouais, parce que, et rien que dans son épisode à elle, ouais, quand tu regardes, il y a énormément de références à plein de à plusieurs films de films d'horreur quoi. Donc c'est pour ça, je serais pas étonnée, tu vois, que ce soit pas une coïncidence entre les deux quoi. Voilà. Donc en tout, ouais, bref, c'est un film plutôt sympathique. Ok, Voilà. ok. Tous en cœur, Mais ouais. tu peux me rappeler comment ça s'appelle la catégorie de films dans laquelle justement il était placé ce film-là? Les vidéos Les vidéos nasty. nasties. Les vidéos nasties. Ouais. Il me semble que j'avais vu un truc là-dessus. Je crois qu'il y avait un doc. Je crois qu'il y avait un doc qui Il y avait s'appelait un doc Vidéo là-dessus, Nasty, voilà. ouais. Le fait aussi qu'il y avait des films, ils étaient ou pas distribués en Angleterre et aux États-Unis, mais via des Bah maisons de là, en distribution. l'occurrence, c'est en Angleterre, ils étaient bannis dans les 80. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, du coup, cette liste, ça n'est que très récemment, en fait, c'est dans les années 2009 ou un truc comme ça, ou 2010, qu'ils ont banni ce truc-là parce que, enfin, c'est des histoires juridiques, enfin, bon, bref. Ouais. Mais voilà. Donc, ouais, un bon petit Ok. film. Ok. Bah, pour nous, c'est tout. C'est déjà pas mal. Bah oui. Bah ouais. Bon, on vous retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. Tout va bien, ouais. Tout va Euh, bien. et Si euh, tout va bien, que tout va bien. oh là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Eh, on va couper. C'est pas. Les jeux là là. de mots arrivent à arriver, on va couper. Bon, bah, au revoir tous, du coup. Au Ciao. revoir. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Bye C'est reparti. bye. Il y a des effets de style qu'on voit que le réal il a bien aimé Danger Diabolique de Bava. Mais voilà, sinon c'est voilà, malheureusement on s'emmerde un peu. Y a pas de, y a, moi j'aime bien les phases où Henri Cavill il essaie de parler en espagnol, pardon, en italien et un peu en russe et tout, mais sinon après voilà le fun il est pas là D'accord. malheureusement. Et voilà, OK. Cavill on le retrouvera quelques temps plus tard dans Mission Impossible et ça se voit que le physique qu'il a, c'est pas le même que dans Mission Impossible quoi. Mission Impossible il est un peu plus sec et par contre Armie Hammer c'est une montagne le truc. Donc, putain lui il te met une baffe, tu remontes dans le temps quoi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Alors, donc on va enchaîner avec Evil Speak ou Messe Noire en français de Eric Weston. Bon, le pitch c'est dans un âge sombre et lointain, le père Esteban et ses fidèles jurent fidélité à Satan. Du coup, ils sont. Attends. M'arrêtez de m'interrompre, là, ça casse l'ambiance. Du coup, ils sont bannis d'Espagne. À une époque contemporaine, Stanley Cooper Smith est un jeune orphelin qui bénéficie d'une éducation au sein d'une académie militaire réputée, mais au sein de laquelle il est une sorte de paria en étant sans cesse emmerdé par ses camarades et il ne peut même pas se tourner vers ses profs car bon, les profs le prennent un peu pour un imbécile et ses limites, ils n'approuvent pas qu'il se fasse rejeter par les autres élèves. Un jour, on le punit, un peu sans raison, à nettoyer la cave de la chapelle. Et il y trouve le bouquin ayant appartenu au père Esteban. Ta ta ta. Comme il est fortiche en informatique, il va utiliser un ordinateur pour retranscrire et traduire le contenu du bouquin, faisant de l'ordinateur un instrument démoniaque par la même occasion. Bon, le premier film de son réalisateur, hein, donc Eric Weston, qui. Alors attends, parce que du coup j'ai trop de fenêtres ouvertes. Attends, ouais, voilà, parce que sinon ça fait trop de bordel. Que je me retrouve dans mes petites notes. Donc, premier film de son réalisateur qui s'appelle Eric Weston, qui a pas fait énormément de trucs, hein. Oui, hein,